Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs. Merci d'être avec nous dans ce journal. Bienvenue, voici les titres. La ministre d'État de la République démocratique du Congo est en visite au Burundi. Cette diplomate a indiqué que les relations entre le Burundi et la RDC sont en bon fixe. Vous entendrez au cours de cette édition. Et les organisations des familles des victimes et des rescapés des événements Kakoni au Burundi demandent des séances et de dialogue pour être unanimes sur les travaux d'exhumation de la commission Vérité et Réconciliation, chose promise par la CVR. Et la commune Gihanga fait face à beaucoup de défis dans le domaine de l'éducation. Elle manque plus de 100 enseignants et d'autres matériels didactiques. Et comme à l'accoutumée, tous les dimanches, vous avez droit à la chronique nutrition. Au rendez-vous, le spécialiste en nutrition nous parlera des vertus de l'avocat. Bienvenue pour les détails. Alphonse Koubguimana est à la cabine technique. Page coopération pour commencer cette édition. Les relations diplomatiques entre le Burundi et la République démocratique du Congo sont au bon fixe. Propos du ministre d'État et des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo en visite au Burundi à la tête d'une délégation depuis l'après-midi de ce dimanche. Marie Toumba Nzeza précise qu'elle répond à l'invitation de son homologue burundais, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement. Je propose de l'écouter. Je suis venue de Kinshasa pour visiter le Burundi et rencontrer mes frères. Mes sœurs, c'est dans un cadre tout à fait amical. J'ai été invitée par le gouvernement du Burundi, par mon homologue, son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Burundi. Et je réponds donc à son invitation. Je suis là dans un cadre tout à fait amical. Si je suis venue dans un cadre amical, c'est que ces relations sont excellentes. Là où il y aurait peut-être lieu d'améliorer, nous sommes venus donc pour essayer de le faire. Page politique à présent, le Conseil des Patriotes CDP demande au gouvernement d'être indulgent envers les politiques encore en exil et qui sont sous mandat pour faciliter leur retour au pays. Propos du président de ce parti dans une conférence de presse animée après deux jours de rencontre avec les représentants de ce parti. Selon Anice Nyonguru, la nouvelle équipe gouvernementale qui n'inclut pas tous les partis politiques qui avaient participé aux élections ne viole en rien la constitution. Arthur Kavabushi, correspondance. Anice Nyonguru, président du parti CDP, indique que même si l'actuelle équipe du gouvernement n'inclut pas tous les acteurs politiques, l'essentiel est que la constitution n'a pas été violée. Au niveau de la constitution, il n'y a pas de violation. Il n'y a pas de violation de la loi. La constitution a été respectée. Le parti qui gagne met en place une équipe tout en respectant bien sûr les quotas d'Arusha. Parce que moi, en tant qu'acteur politique, je me dis que la loi est respectée, c'est l'essentiel. Quant aux politiciens encore en exil, cet acteur politique dit que c'est une question de tranquillité morale et d'analyse des conditions de retour. Le rapatriement des hommes politiques qui restent à l'étranger. J'étais parmi eux et je suis rentré en décembre. C'est parce que c'est une question de principe. C'est une question de principe parce que en tant que responsable politique, je me dis que on ne peut pas à chaque élection jouer la politique de la chaise vide. Ceux qui restent à l'extérieur, ils vont décider aussi au moment opportun s'ils peuvent nous rejoindre ou pas. C'est une question de stade de tranquillité morale. Si votre cœur vous dit il faut rentrer, vous commencez à analyser tous les contours relatifs à votre retour et vous décidez. Ce parti se dit satisfait de la réduction du nombre de ministères tout en indiquant que cela devrait se faire aux autres institutions, notamment le Sénat, et qui pourrait être remplacé par l'Assemblée nationale vu que le Burundi n'a pas assez de moyens. Depuis la capitale politique et Gitega, Arthur Kavabushi, Radio Isanganiro. Merci Arthur Kavabushi. Et les organisations des familles des victimes et rescapées des événements Kakoni au Burundi réclament des séances de dialogue populaire pour être unanimes sur les exhumations. Eric Ngengurutse du collectif de ces organisations Kavari l'a dit mercredi de cette semaine au cours d'une émission panel de la radio Isanganiro sur les exhumations de restes humains. Au niveau de la commission Vérité et Réconciliation, l'on promet l'organisation de séances de sensibilisation, annonce de Pierre Claver Ndaïcharié, président de la CVR, Elinibel Nibigira. Lors de cette émission panel tenue par la radio Isanganiro, les organisations des familles, des victimes et rescapés des tueries du passé douloureux qu'a traversé le Burundi pendant les différentes périodes sombres, il a été constaté que les travaux d'exhumation ne font pas l'unanimité. Eric Nkengurutse, du collectif de ces organisations Karavi, propose des séances de dialogue au sein de la population afin qu'elle ait une vision commune. Après les exhumations, il y a des divergences. Nous demandons l'organisation des séances de dialogue au sein de la population dans les collines afin qu'elle échange sur la vérité, car la vérité ne sera pas connue et elle ne sera pas effective parce que l'on a uniquement exhumé les restes. Ces échanges sur le passé douloureux, puis le pardon, cela renoue des relations fortes au sein de la société réconciliée et les gens vont retrouver une cohabitation fraternelle. De son côté, la commission Vérité et Réconciliation promet d'organiser cette sensibilisation très prochainement. Pierre Claver Ndayichalie, patron de cette commission, explique que l'exhumation des restes humains vise à couper court au cycle de violence et de vengeance. Chercher les restes humains dans les fosses communes, c'est contrecarrer les mensonges de tous les côtés burundais. C'est arrêter les cycles de violence et de vengeance. J'apprécie l'idée d'organiser des séances de dialogue et de sensibilisation et d'éducation à la bonne cohabitation. Mais ils sont bien sensibilisés à partir de ce qui s'est passé pour avoir une bonne compréhension commune. Nous allons nous y pencher. Nous avons déjà rencontré des évêques catholiques. Nous comptons rencontrer les veuves et les jeunes, ainsi que d'autres catégories comme la police, la justice, pour les conscientiser sur nos activités. L'exhumation des restes des personnes emportées par les crises du passé du Burundi est prévue par l'article 6 de la loi régissant la sévère de 2018. Page éducation. À présent, la commune Gihanga de la province Bubanza est confrontée à plusieurs problèmes dans le domaine de l'enseignement. Elle manque plus de 100 enseignants et plus de 2500 bancs pupitres. Un constat révélé ce samedi lors d'une réunion des natifs de cette commune. Ils ont décidé de mettre en place un fonds pour le soutien de ce domaine d'éducation. Space Caritas Kabanyana, correspondance. Les participants à la réunion ont échangé sur différents problèmes qui hantent la commune de Gihanga, surtout dans le domaine de l'enseignement. Le directeur communal de l'enseignement a déploré le fait que beaucoup d'enfants s'assoient par terre dans les salles de classe et éprouvent beaucoup de difficultés à pouvoir écrire. Et dans toutes les écoles de cette commune, on a besoin de 2500 bancs pupitres pour que tous les élèves puissent s'asseoir convenablement. Bonaventure Ndayiziga, directeur communal de l'enseignement, a également précisé qu'on manque encore 122 enseignants, 56 de niveau D6, 34 de niveau D7 et 32 enseignants de niveau licence ou baccalauréat. Suite au manque de bancs pupitres, un comité de natifs et amis de cette commune ont déjà commencé à collecter les contributions pour pouvoir acheter des bancs pupitres et 59 bancs pupitres sont déjà disponibles selon l'administrateur de la commune Gihanga. Léopold Ndayisaba a ajouté qu'un fonds de solidarité sera également mis en place et va aider dans le domaine de l'enseignement. Space Caritas Kabanyana, Gihanga, Radio Isanganiro. Toujours dans cette province, la ministre du Commerce met en garde les commerçants qui ont rehaussé les prix surtout du sucre et du ciment. Imakile Ndabanedze a précisé qu'un sac de ciment Buseko ne devrait pas dépasser 24 450 francs bout et 1 kilo de sucre doit coûter 2 500 francs. La ministre du Commerce l'a dit ce samedi à Gihanga lors d'une réunion des natifs de cette commune. C'est au moment où dans plusieurs coins de la province Bubanza, si on parvient à en trouver un sac de ciment, s'achète à un prix variant entre 26 000 et 35 000 francs bout. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Chaque propriétaire de parcelles en ville de Muyinga doit avoir un système de collecte d'eau pluviale en un mois. La décision a été prise au terme d'une réunion tenue samedi par l'administrateur de la commune Muyinga avec les natifs de cette ville. Si pour le mandat passé, une telle mesure annoncée à travers les églises n'a pas été respectée. L'administrateur actuel promet cette fois la mise sur pied d'une équipe technique de suivi de la mise en application des décisions prises. Dieudonné Nzeimana. Des routes devenues impraticables dans les quartiers Kibogoye-Gasenyi, des ravins s'agrandissant du jour au jour, des champs inondés à Naval du centre urbain d'Omuyinga poussent l'administration à prendre des mesures provisoires dans le sens de la maîtrise des eaux pluviales. Samedi, lors d'une réunion, Misago Amede, nouvel administrateur de la commune Muyinga, se convient avec les administrés. En un mois, chaque ménage doit avoir aménagé un système de collecte des eaux pluviales avec des puisards ou des tanks. Une équipe technique fera le tour des quartiers pour vérification. Plusieurs préoccupations de la population sont débattues. L'environnement revient. La commune compte aussi embellir la ville avec des arbres ornementaux. La commune donnera gratuitement un plan à chaque ménage avec obligation d'entretien ou s'exposer à payer la valeur équivalente. Des participants à la réunion demandent à ce que les mesures prises soient en premier lieu exécutées au niveau des bâtiments publics. L'administrateur de la commune Muyinga rassure, en synergie, tout est possible. Muyinga, Dieudonné Nzeyimana, Radio Isanganiro. Merci Dieudonné Nzeyimana. Dans Muyinga, rendons-nous à Ngozi où des villages inclusifs seront mis en place dans les sites de déplacés de Ruhororo et Mubanga, commune Ruhororo de cette province pour les déplacés dont le retour sur leur colline d'origine est impossible. Pour ceux qui le peuvent, ils sont appelés à penser à des projets de réinsertion sur leur fief et de les présenter pour appui. Propos du gouverneur de la province Ngozi ce samedi à Ruhororo lors de la présentation du nouvel administrateur à la population de cette commune. Radio Isanganiro, chronique nutrition. L'avocat est un fruit qui se consomme mûr, selon un spécialiste en nutrition et responsable des académiciens en nutrition au niveau national. Ce fruit contient beaucoup d'éléments nutritifs comme le calcium et les vitamines du groupe B dont le corps a besoin. Professeur Aloïse Nyongabo révèle que l'avocat aide dans la reproduction chez l'homme du fait qu'il est reconnu comme fruit de fertilité. Les détails, c'est dans cette chronique signée Vestine Boutoui. L'avocat est un fruit médicinal, riche en graisses insaturées, originaire de l'Amérique du Sud. Selon le spécialiste en nutrition et responsable des académiciens en nutrition au niveau national, ce fruit pousse dans toutes les régions du Burundi. Professeur Aloïse de Niongabo fait savoir que l'avocat contient beaucoup d'éléments nutritifs bénéfiques à la santé humaine. Il y donne l'exemple des sels minéraux comme le calcium et des vitamines comme celles du groupe B et autres. L'avocat apporte à l'organisme une grande quantité de vitamines A, B1, B2, B5, B9, la vitamine C, la vitamine E et la vitamine K. La vitamine C qui est un antioxydant très fort, aussi bien que la vitamine K qui régule l'agrégation plaquettaire au niveau du sang. Il y a aussi le magnésium, il y a le potassium. Ce sont deux micro-éléments, deux micronutriments qui facilitent la régulation au niveau des cellules, aussi bien qu'au niveau des plaquettes. Lutter contre l'infertilité a l'un des bienfaits relatifs à la consommation de l'avocat, révèle le spécialiste en nutrition. L'avocat a des bienfaits médicinaux puissants pour la santé sexuelle. Le connu comme le fruit de la fertilité par excellence, il stimule la production des hormones sexuelles, augmente la production de spermatozoïdes et d'ovaires sains et aide à un fonctionnement plus équilibré des appareils reproducteurs. Il participe ainsi à combattre les problèmes hormonaux et l'infertilité chronique. Il combat aussi l'impuissance et la frigidité et diminue les effets secondaires de la ménopause chez la femme et de l'andropause chez l'homme. Après la fertilité, il y a une expérimentation qui a été effectuée dernièrement par des chercheurs japonais et qui a été exposée dernièrement au Congrès international de chimie des sociétés de bassin pacifique qui consistait à montrer un éventuel effet protecteur sur le foie. C'est-à-dire, on a fait une expérimentation chez les rongeurs à la galactosamine, sur c'est très toxique pour le foie et qui provoque des lésions comparables à celles engendrées par des virus. Et se sont vus administrer différents extraits de fruits étudiés pour mesurer l'état de santé du foie. Les chercheurs ont mesuré le taux de sanguin de plusieurs enzymes hépatiques et ils ont trouvé que les rats qui consommaient l'avocat étaient bien portants. Mais on ne peut pas extrapoler les résultats de l'animal chez l'homme. Mais ça nous donne quand même un espoir pour demain. Dans la prochaine chronique, nous vous parlerons des méfaits liés à la consommation abusive de l'avocat, ainsi que les catégories des personnes qui devraient le privilégier dans leur repas. Merci Vestine Boutoui, au nutritionniste et professeur Aloïse Niongabo.